quoique ce fût du troisième ordre, en fait de richesse et d'élégance, que tout y datât de 3 ans, un dandy n'eût rien trouvé à redire, sinon que ce luxe était entaché de bourgeoisie. L'art, la distinction qui résulte des choses que le goût sait s'approprier, manquait là totalement. Un docteur en sciences sociales eût reconnu l'amant à quelques-unes de ces futilités de riches bijouteries qui ne peuvent venir que de ce demi-dieu, toujours absent, toujours présent chez une femme mariée. Le dîner que firent le mari, la femme et l'enfant, ce dîner retardé de 4 heures, eût expliqué la crise financière que subissait cette famille, car la table est le plus sûr thermomètre de la fortune dans les ménages parisiens. Une soupe aux herbes et à l'eau de haricots, un morceau de veau aux pommes de terre, inondé d'eau rousse en guise de jus, un plat de haricots et de cerises d'une qualité inférieure, le tout servi et mangé dans des assiettes et des plats écornés avec l'argenterie peu sonore et triste du maillechort. Était-ce un menu digne de cette jolie femme? Le baron en eût pleuré s'il en avait été témoin. Les carafes ternies ne sauvaient pas la vilaine couleur du vin pris au litre chez le marchand de vin du coin. Les serviettes servaient depuis 1 semaine. Enfin, tout trahissait une misère sans dignité, l'insouciance de la femme et celle du mari pour la famille. L'observateur le plus vulgaire se serait dit, en les voyant, que ces deux êtres étaient arrivés à ce funeste moment où la nécessité de vivre fait chercher une friponnerie heureuse.